ponalinga babebi sakao na mita simon kimananga ipole kasena yo yoko talanga infama na miso na yo eloko tosito botimu maa toko lisa ene sengo mwana boyo. Yeah.